FM. Of gold. Flavio Premoli, Nuovo Pagani. Don't reach on. Voilà, en avant-première, en exclu, un petit extrait de deux lives qui viennent tout juste de sortir de l'autre côté des Alpes. Tout d'abord, PFM avec un live Piazza del Campo. Ça a été enregistré à Sienne. C'est un double, c'est-à-dire qu'il y a le CD et la version DVD. Ma foi, c'est dur, c'est un régal. Du niveau du live au Japon qui était sorti il y a 2 ans, c'est vraiment super. Et je maintiens, n'est-ce pas Jean-Louis, puisque à un moment on a même carrément 2 violonistes, ça décolle d'enfer. Donc voilà, c'est votre humble serviteur qui a rapporté ça d'un séjour en Italie. Il a rapporté également ce disque en public de Banco del Mutuo Soccorso, Secondo le Tracce. Bon, j'essaie de prononcer comme je peux. C'est un disque qui vient de sortir aussi sur un petit label, un disque qui a été sorti des oubliettes grâce à Gianluca. Gianluca, c'est un collaborateur de Paperlate que j'ai pu rencontrer. Il a retrouvé ça dans un grenier et c'est un concert de 75 de toute beauté. Voilà, et donc pour terminer, quand on dit Banco PFM, manque plus que le troisième, Les Ormé. Je vous passe pas des choses récentes, simplement un disque que je n'avais pas dans ma collection, qui est un petit peu anecdotique, Verita Nacoste, mais qui comporte un morceau numéro 5 qui est absolument génial, Regina al Troubadour. Tout de suite, Les Ormes. Thank you. Les Ormes sur le 100.7, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif qui persiste et signe depuis 86. Ça nous rajeunit pas. Voilà, je précise deux petits détails, mais qui ont quand même leur poids. Tout d'abord, que ce Les Ormes date de 76, c'est encore plus ancien que l'émission. Et le morceau de Banco, une petite dédicace à Madeleine, elle se reconnaîtra. On continue avec les nouveautés après ce petit voyage au-delà des Alpes, du côté des Italiens. On part en Angleterre, l'Angleterre patrie du progressif, c'est là que le progressif est né, même si il a eu ses premiers applaudissements du côté de l'Italie, vous le savez tous, avec entre autres Genesis. Donc l'Angleterre qui renie un petit peu ses racines, puisque actuellement le progressif est très très mal vu, eh bien écoutez, ça va quand même pas trop mal. On retrouve des anciens qui remontent des groupes et qui sortent des opus, et des petits jeunes ou moins jeunes qui viennent avec des nouveautés. Alors, je commence par les vieux de la vieille, mais n'y voyez absolument aucun dédain dans ce terme. Le retour espéré, voire même inattendu, de Vandergrave Generator, un double CD de toute beauté, un CD qui se présente avec un titre ironique, puisque c'est Present, le présent, et oui, on n'est pas ancré dans le passé, nous qui écoutons du progressif, on vit bien en 2005. Voilà, je vous propose un extrait de ce Present, Everybody, Every Bloody Emperor, tout de suite, et on remercie notre ami Jean-Louis, tout de suite, VDGG. By this we are all sustained, a belief in human nature and in justice and parity. All we have is the faith to carry on. Imperceptible the change, as our votes become mere gestures and our lords and masters determined to cast us in the roles of serfs and slaves in the new empire's name. Yes, and every bloody emperor claims that freedom is his cause, as he barks up on his common touch as a get-out clause. On to nations, nations, speak in the language of the gutter, trading prime time insults. Democratic process as our glorious leaders conspire to feed us the last dregs of imperious disdain in the new acceptable the change. As one by one our voices falter and the double standards of propaganda still all our righteous rage. By this we are all sustained. Our belief in human nature, but our faith diminishes. Close to the finish, we're only serfs and slaves as the empire decays. Vandergrave Generator présent. Le dernier Pendragon est une bombe. Je pèse mes mots, c'est un superbe album avec un son d'enfer monstrueux, comme disait l'ami Olivier, avec des effets, une touche, du bruitage de toute beauté, des mélodies à tomber par terre. Et je vous propose un court extrait, comme ça, ça vous donnera envie d'aller écouter le reste. Je vous propose le numéro 6, The Edge of the World, Le Bord du Monde. C'est un morceau très très émouvant où notre ami Nick Barrett nous démontre qu'il a fait de gros progrès au niveau du chant, mais par contre, où il nous démontre une grande, grande sensibilité, et ça, on le savait. Un morceau superbe, puisque c'est un morceau sur l'amitié. Voilà, donc un morceau que je dédie à tous mes amis qui m'écoutent, ils sont nombreux, ceux qui font partie notamment du forum Progapart, et qui me soutiennent régulièrement. Et entre autres, l'ami et inséparable Jeff, celui avec qui j'alterne l'émission, oui, celui de Chapel of Ghouls, eh bien Jeff, on lui fait un petit coucou, on le dédie ce morceau. Voilà pour toi Jeff et ta petite équipe Caro et France. Voilà donc tout de suite extrait de Pendragon, Believe. Sometimes I feel like a twig floating down a stream. Don't know where it's going. Don't know what it means. And that stream always ends up at the sea. And it's strange. Just this is where I wanna be, and I know I'll find those of my kind to share these words and rhyme. Thank you.

Quelques petits problèmes techniques, mais c'est le live, c'est le direct, donc c'est les inconvénients et les avantages. Allez, pour se rattraper, une petite traduction d'un extrait de ce superbe morceau. Merci Nick. Alors que je suis sur le bord du monde et que je regarde dans tes yeux, je réalise que ceci ne va jamais terminer. Je peux vous appeler maintenant mes amis. De temps en temps, je me sens comme un bourgeon emporté par les eaux. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que cela veut dire, mais je sais que je trouverai une paix de l'âme un jour. Je sais que je serai un jour de retour. Et quand je voyage aux quatre coins du monde, je vous garde dans mon esprit. De temps en temps, je me ressens comme un bourgeon emporté par les eaux, partant vers la mer. C'est alors que je sais que je ne serai jamais seul, c'est alors que je sais que je serai de retour. Voilà un extrait de The Edge of the World. Merci Nick, merci Nicolas pour ce superbe album. Tout est du même tonneau, comme dirait l'autre. Voilà, donc Pendragon, Believe.